C'est Alastair Sim du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream. Alors, passe un bon week-end, mouvementé. Ah bah oui, un superbe week-end ensoleillé, en plus avec tous les poteaux. C'était génial. Hein. Ah, on a vu du people. On a vu du people. Mais ça, on en parlera après, parce que d'abord, notre premier but, c'est aussi, nous sommes médias. Nous sommes aussi dans une émission métal, donc on va rendre hommage à une personne, et je te remercie de m'avoir signalé, parce que... j'étais pas encore au courant. On peut pas toujours choper les infos. Voilà. Donc c'est le batteur d'origine qui a fondé avec YNT. YNT, donc c'est Az Leonard. Voilà. Qui nous a quitté ce 11 septembre à l'âge de 61 ans seulement. Oui, c'est pas vieux. Là. C'est pas vieux. Donc nous, pour rendre hommage, comme on fait dans tout le temps dans Rive d'Enfer, on va se passer un morceau. Oui. Et on se retrouve après pour plus de gaieté, parce que ouais. on espère ne pas recommencer ça encore une fois. J'espère que ça va pas être la série en 2016. Hein. Ouais. Toutes les semaines, on en avait un pratiquement. Exactement. Allez, on va écouter un extrait donc pour un hommage à Az Leonard. Extrait de l'album I'm a Rock We Trust. On va s'écouter Don't Stop the Running, un grand classique de YNT. Hommage à toi, Leonard. Éclate-toi là au-dessus avec tes potes. À mon avis, vous êtes nombreux maintenant. You know I thought you were so naive, but you were running a game. Voilà, c'était notre hommage à Leonard Haas. Voilà. Ouais. Rip à toi. Donc batteur de YNT. Hein. Ouais, super groupe à aller voir. Hein. On vous le dit parce que ils continuent à tourner. Hein, et ouais. Là, ils seront bientôt de Kroon. À Kortrijk. Voilà, et ce sera possible qu'ils seront là. Voilà. Voilà. Donc notre week-end était quand même excellent. Avec un super week-end, hein, ensoleillé. Oui. On n'a pas bronzé tellement, on va se dire ça. Mais on s'est super bien amusé. On a rencontré les poteaux, des musicos extra. Ah oui. Humbles, extra. Des labels super agréables, super gentils. C'était au Remfest. Eh oui, voilà. Remfest en France, et près de Valenciennes, Saint-Amand. Voilà. Bon, on n'a pas bu de l'eau. Hein. Pardon ? Bah, certainement les eaux. On n'a pas bu de l'eau. Quoi. Voilà. Ciao, Mike. Ta vanne, encore une fois. Voilà, on en profite pour dire au revoir à Mike. On le retrouve bientôt. Alors, toi, ton coup de cœur du Remfest, c'est quoi ? Bon, le slasher n'est pas là, mais moi, je sais bien ce qu'il nous aurait répondu, le slasher. Le slasher, pour lui, c'était Diamond Head. Il voulait voir Diamond Head, pourquoi ? Ouais. Parce qu'ils ont influencé beaucoup les Metallica et tout ça. Et toi, ouais, c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'on papote beaucoup à deux. Les deux compères. Il n'y a pas que papoter, hein, on peut faire les clowns aussi. Ouais. Mais bon, heureusement, c'est agréable. Bah, écoute, moi, comme d'habitude, mon coup de cœur, bah, ça a été, enfin, comme d'habitude, je me répète, parce que bah, déjà, j'ai eu mon coup de cœur cette année, c'était pour Inglourious. Moi, Inglourious, c'est bête à dire, je les ai rencontrés dans un disquaire à Courtrai en musicalement. Musicalement. Voilà. Ouais. Et j'ai dit au gars, qu'est-ce que c'est de ce groupe ? Mmh. Et il m'a dit, bah, écoute, c'est Inglourious. Et je lui ai dit, tu as le CD ? Il m'a dit, bien sûr, Valérie. Donc toi, c'est Inglourious. Donc moi, c'est Inglourious. Et bah, moi, je les aime bien. Puis même les membres d'Inglourious sont super sympas. C'est vrai que bon, c'est pas toujours évident pour les interviews et tout. Des fois, ça refuse ceci, cela, ou ils ont pas le temps, ils sont fatigués. Mais ils étaient super gentils. On a été les voir dans les loges. Mmh. Connor et moi, on s'est pas fait jeter, rien. Tout le groupe, il était super, super content de nous revoir. Je te coupe juste deux secondes pour dire merci aussi à Roger Ouézier qui nous a autorisé et à Phil aussi de pouvoir réaliser les interviews que vous allez retrouver prochainement sur les pages Rive d'Enfer. Voilà, c'était juste la parenthèse. Donc parce que c'était mon coup de cœur, j'avoue, c'était une glorieuse et belle prestation. Et toi ? Ben moi, mon coup de cœur, tu vas rire, ça a été Mirat, déjà. Mais je suis assez progressif. Ah oui, c'est vrai. Il y a eux aussi qui étaient pas mal non plus. Mais bon, moi, je reste Inglourious. Mmh. Allez, je vais dire s'il y a un trio, C'était Inglourious, Mirat et Iron Bastard. Iron Bastard. C'est clair. Moi, je vais dire Mirat parce que je suis fort prog. Et c'est un peu du prog, un peu dans le power aussi. Ah, moi, j'ai bien aimé. Plus agréable sur scène que sur CD. Mais je te laisse. Mais t'as raison. Et en plus de ça... super super gentil quand on parle avec eux, très gentil. L'interview, on va pas divulguer parce que c'est super ce qu'on a appris sur cette interview, hein. Vous allez entendre des choses, et enfin plutôt lire parce qu'ils ont demandé plus qu'on le transcrive que, et en plus avec le bruit c'est mieux. Je dirais Mirat, Diamond Head, ça c'est sûr et certain, et alors une intro de ouf, mais de ouf, ouais. Et un feeling pour Mother Finest, alors là je m'attendais un peu à quelque chose de spécial avec du fusion, du hard fusion, mais waouh, la nana elle envoie. Moi je trouve que c'est un mélange de, je sais pas si on peut appeler ça du métal avec de la funky. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est la fusion. Mais la nana, qu'est-ce qu'elle envoie ? Bon, elle est déjà, ils ont de l'âge tout ce groupe là parce qu'ils ont plus, ils ont commencé dans les années 70. Ouais. Une intro de ouf, on se demandait où c'était, et puis ça envoie du lourd. Bah, tu sais, tu rigoles, mais Ministry fait des intros un peu comme ouais, ça. Je sais. Ça m'a fait penser à ça. Mmh. Sur le coup, j'ai dit à Connor, bah, nous voilà Ministry. Voilà, sinon, franchement, je tire mon chapeau à tous les groupes qui étaient là. Tous les groupes. Bah, ils étaient sympas, hein. Ouais, et puis il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et contrairement à toutes les années, on a réussi avec le temps, pas une seule goutte de pluie. Qu'est-ce qu'il faisait beau et chaud. Voilà. C'est... Franchement, l'année prochaine, les amis, réservez votre date pour le REMS. Mm. C'est un festival. C'était sympa. On a vu plein de copains qui avaient longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est sympa aussi. Et comme Marcus et Spencer, c'est deux petits... Ah, c'est mes chéris. Hein. Gros bisous à Fernando. Hein. Et au moins, voilà un homme qui est bleu quand il me voit, Fernando. Tout à fait. Et comme ils disent sur leur page, c'est un festival du cœur et ils ont bien raison. C'est vrai. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Il y aura la Sylval Song, la Slasher Song. Même s'il n'est pas là, il nous met toujours ses songs hein. Donc voilà, on fera tous du song song. On va d'abord s'écouter une petite enfin, de toute façon, j'arrête de le répéter. Angel Orking, c'est No Alibi. C'est extrait de l'album Go Ask the Moon. C'est pas mal, tu vas apprécier ce genre de truc. We'll be right back. Voilà, donc c'était Angel Orking avec No Alibi, c'est bien. Hein. Ah, c'est vachement bien. Et comme tu disais tout à l'heure, ouais. Hein, ça fait penser à une bande d'annonces de films un peu à la Rocky. Ouais, bah, c'est les ouais. On va dire les bonnes vieilles années pour nous. Voilà. Allez, on poursuit cette programmation avec encore une nouveauté. Hein. Et après, on retrouvera la Slasher Song. La Slasher Song. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, il devient de plus en plus barjo. Je crois qu'il était un peu trop sur son père. Allez, Dark Sun, ça va te faire kiffer. The Legacy, extrait de l'album Chronicle or Aravan. Ça déboîte bien. Eh ben, on va écouter ça. Frozen sky meets frozen. Alors voilà, c'était Darksun avec The Legacy, extrait de l'album Chronicle or Aravan. Il est l'heure de se passer la Slasher Song et aujourd'hui il m'a dit ben voilà, si je ne suis pas. Qu'est-ce qui va nous mettre encore ? Aïe aïe aïe. C'est du slasher. Hein. Il a dit si je ne suis pas là, ben, j'ai déjà ma slasher. Je dis ah oui, c'est quoi ? Et ben aujourd'hui, il a choisi tout simplement l'album. Je vais déjà vous dire l'album du groupe qui sort bientôt. Hein. L'album s'appelle The Violent Sleep of Reason. C'est tout un programme. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Born in Dissonance. Et c'est tout simplement Meshuga. Donc le slasher a dit ben voilà, je veux ça comme. Slasher song, et ben on va s'exécuter hein, le slasher, voilà, c'est parti. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We are recreating. Voilà, c'était le choix du slasher Meshuga. Ben, il nous étonne toujours. Il passe vraiment du coq à l'âne. Exactement, un petit peu comme moi quand même. Ouais. Et là, c'était Born in Dissonance. L'album est sorti sur des ch'tumes chez Nuclear Blast. Voilà. Et c'est du bon, du pur Meshuga. Voilà. C'est le classé choix, dans quel le style, ça, du trash? Non, je dirais plutôt du prog, death. C'est du... quoi c'est américain? C'est quelle origine Nordique. Suède, je crois, si mes souvenirs sont bons. Suède, si mes souvenirs sont bons. Je veux pas dire de bêtises. Je confirmerai ça tout à l'heure. Mais je crois que chez de ce côté-là. Bah, généralement, je crois qu'après l'Allemagne, ou même avant l'Allemagne, il y a beaucoup des groupes qui viennent de par là. Oui. Suède, Amérique, Norvège, aussi, quand même. Finlande. Amérique, j'irais plutôt hard rock, glams, tu vois, vraiment truc vraiment, mais truc vraiment bourrin. Trash. Ouais. Trash, oui. Béaréa. D'ailleurs. Mais on s'en sort plus. C'est ce que on discutait avec un copain. Tous ces styles, prog, ceci, cela, on s'en sort plus. Avant, il y avait hard rock. Il y avait speed, il y avait trash et point barre. Tout à fait. Maintenant, il y a le néo-métal, ouais, Bon, il y avait black metal, ça a toujours existé. Mm-hmm. Mais alors maintenant, il y a du prog, il y a de ceci. Attention, le prog a existé même avant, hein, parce que Genesis était considéré comme du prog, du progressif. Mais je veux dire, maintenant, avec leur dérivé, on va dire comme ça, je dis un exemple, du crunch metal, bientôt il va sortir le saut metal, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas dans quoi. Mais il y a certains groupes qui nous disent. L'interview qu'on a réalisée, qu'on retranscrira d'Iron Bastard, eux, ils veulent pas qu'ils disent qu'ils font du hard rock. Pourtant, nous, on peut considérer que c'est du hard rock. Eux, ils disent qu'ils font du rock. Tout simplement. Donc, voilà. Enfin, ils se considèrent plus aussi quand même comme hard que metal. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est des gens super charmants. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont gentils. David. Alors, le prochain, c'est un groupe qu'on connaît aussi bien. Soit que moi et même le slasher et même vous, chers auditeurs auditrices, l'album qui va bientôt sortir, qui s'appelle Breaking the Rock. Si je te dis que le guitariste chanteur, il s'appelle Julien, ça te parle? Ah bah je connais Julien, mon petit Julien. Si. Si je te dis Existence. Ouais, non, je voilà, me doutais Existence. Que tu m'en avais parlé. Donc on va s'écouter. Il y a longtemps qu'on les a pas vus, tiens. Ouais. On aimerait bien les avoir en studio quand même pour une interview. Voilà, on va essayer de faire tout ça. On va essayer de passer par le management hein, en bonne et due forme pour les avoir en studio. On va s'écouter. Franchement, j'adore ce qu'ils font en introduction. J'adore vraiment ce qu'ils font. C'est pas mal, hein. Ah ouais, mais quand on voit les influences, tu leur parles, c'est Vandenberg, Adrian Vandenberg. C'est plein de choses comme ça. C'est la vieille époque pour des jeunes. C'est ça qui est marrant, quoi. Encore une fois, un peu comme Iron Bastard. Et on va s'écouter. Heavy Metal Fury, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, il faut que tu restes pour écouter. Ah bah d'accord. Et tu vas voir, franchement, c'est très très bien. Et là, encore une fois, j'ai regardé les photos de l'artwork qu'on a reçu. Ils ne sont plus que deux d'origine du groupe, pratiquement. Ah bon? Ouais. Le bassiste est parti et le batteur aussi a changé. Voilà. Ah bon. Allez, c'est parti. Allez, hop et hop. Thank you. Voilà, c'était Existence Heavy Metal Fury, extrait de l'album Breaking the Rock. Voilà. Bah, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. J'espère hein. qu'ils vont faire une tournée dans le. Oh oui. Oui, ils vont passer par chez nous. Hein. On Mais ira... oui, c'est sûr. On ira les voir. On ira voir ce groupe qui est excellent et qui dépote très très bien. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec un extrait du nouvel album d'Evergrey qui s'appelle tout simplement The Storm Within. Et on va s'écouter Passing Through d'Evergrey qui est sorti le 9 septembre. Mais juste avant ça, on a un petit message de Tom pour sa promotion pour son album et on se retrouve tout de suite après pour le titre. D'accord ? Ok, on va s'écouter ça. Hi, this is Tom and Jonas of the band Evergrey. You're listening to Passing Through, a song taken from our new album, The Storm Within, which will be released on September 9th. Hi, this is Tom. And this is Jonas from Evergrey. We're a Swedish rock band out of Gothenburg, Sweden. As we just said, this is Passing Through. Voilà, donc c'était le petit message de Tom et son comparse Evergrey, Passing Through. L'album, franchement, The Storm Within est excellent. Il n'y a rien à acheter sur cet album. Tournée européenne aussi. Oui, bientôt chez nous. Hein, ouais, avec, bientôt chez nous. Avec D-Lane. Bon, D-Lane, non. Lotus and Cobra, ça oui. Mais bon, voilà. Il y en aura pour tous les goûts ce jour-là, d'ailleurs. On y sera. Allez, juste avant de retrouver la Sylvain, on va s'écouter encore un nouveau titre, assez court, qui nous vient de chez Immedia. Merci à Charles et à Elodie aussi. On va s'écouter Every Time. Le groupe ça s'appelle Every Time I Die, The Corn Has a Say. C'est tout de suite, c'est maintenant. On se retrouve tout de suite après pour ta Sylvalsong. Et oui, la Sylvalsong qui déboîte. Qui déboîte, voilà. Ça dégomme, ça dépoite, donc c'est Every Time I Die et c'est The Corn Has a Say. Et c'est chez Immedia, ça va bientôt arriver dans les petites chaumières. Voilà. Alors, cher Sylval, tu as choisi quoi? Et à mon avis, mon petit doigt me dit pour quelque chose. Eh bien, j'ai choisi Deadline. Oui. De l'album Fire Inside. Eh bien, le titre, ça sera aussi Fire Inside, comme ça on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est ça. Tu en penses, toi? Ouais, ouais. Pas mal. Hein. Moi, je dis oui à tout, moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et aussi, c'est pour faire un petit clin d'œil aussi à Fabrice, Marcus et Spencer. Bah, oui, parce qu'ils le méritent, voilà, avec leur peluche, comme tu dis. Non, non, je ne vais plus dire ça, parce que s'ils m'écoutent, là, ils vont me tuer. Je dois dire des mupettes. Ouais, voilà. Attends, moi, j'ai fait. Et bon, il faut être honnête, hein, au moins un homme, quand il me voit, qui est bleu. Oui, moi j'ai fait honnête, hein. Moi j'ai fait peluche et je crois que notre comparse journaliste papier Axel Meux, lui il a fait je crois qu'il a dit poupée ou oui poupée. Où sont les poupées? Mais moi je comprenais pas ce coup, je dis quelle poupée. Donc c'était vraiment. Moi je voyais des femmes déjà, tu vois, ouais. Les poupées. Moi c'était ça, je voyais. Mais bon, on lui en veut pas, alors qu'on lui souhaitait un bon anniversaire. Ouais, parce encore qu'il... un bon anniversaire. Et je crois qu'il s'est bien amusé aussi. Ah bah oui, 22 ans, si vous pouvez encore l'avoir cet âge, 22 ans. Voilà. Allez, donc je te laisse annoncer. Alors, ton... c'est Deadline, album Fire Inside, avec le titre Fire Inside. Voilà, voilà, c'est parti. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Voilà donc ton choix s'est arrêté sur pour pas sûr. Les deadlines, ils vont se faire. Ils vont se dire, ça y est, Sylvain, elle est tombée amoureuse. Je précise de Fernando. Voilà. Qui est bleu quand il me voit. Voilà. Donc, deadline avec l'album Fire Inside et le titre Fire Inside. Voilà. Voilà. Un petit clin d'œil à Deadline. Voilà, ça c'est super. Un groupe qui le mérite aussi. Ouais. Alors, on en profite pour. Il y a quelqu'un qui est là pour nous dire bonjour. Il y a quelqu'un qui est venu nous dire bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Et c'est. Lily Sou. Ouais, Lily Sou qui était Scrimette dans Rive d'Enfer. Parce qu'elle a changé de nom. Bah oui. Et que vous retrouvez le samedi. Il y a du monde chez Léon. Voilà, il y a du monde chez Léon. Tous les samedis. Entre 10h30 et 13h. Voilà, donc c'était Scrimette qui passait nous montrer ses dessins. Moi j'attends qu'après, quand ils vont commencer à faire des dessins un peu plus soft, tu vois. Les femmes nues, quoi. Je veux bien poser, moi, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est qu'il y a des enfants qui ont 12 ans aussi dans le groupe. Ah d'accord, ouais, voilà. Enfin, peut-être qu'un jour, elle sera peut-être sollicitée pour un artwork de pochette, pourquoi pas. Qui sait. Voilà. Ben, c'est bien, c'est super sympa. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu sa voix. Au sein de Rive d'Enfer, je parle. Hein. Scrimette. On va s'écouter Niva. J'ai pas dit la pommade qu'on met avec un I et un en plus. On va s'écouter Niva avec le titre Evil Rose. L'album s'appelle Atmospherical. On est assez plus dans notre cam aujourd'hui. Tu vas voir. D'accord. Plus dans notre cam. Et par contre, la balade, ça va vraiment. Me faire plaisir. Je ne dirais pas de faire plaisir, mais tu vas dire ça dénote, ça ne lui va pas. C'est tout ce que je peux te dire. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, des fois, on est surpris. Oui, j'en suis sûr. Même moi, ça, quand j'écoutais au premier abord, je fais ouf. Non, mais après, j'ai appris à apprécier. Mais d'abord, c'est Niva. Mm-hmm. Et après, on se retrouve. Niva, Evil Rose. I'm never falling. Eh ben moi j'aime bien. Je sais pas vous, ouais, mais moi j'aime mal, bien. Hein, on y va. Ah, c'est bien. Attends, mais si tu me... Moi aussi, j'ai bien aimé. Moi, le prochain, je kiffe encore plus, et ce sera juste avant la balade. Alors, le groupe s'appelle Finsterforst. Oui, je sais, Finsterforst. L'album s'appelle YOLO, et j'ai choisi un titre... C'est pour me faire plaisir, hein, je le dis bien. C'est pour me faire plaisir pour une fois. Prêt à tout, l'eau. C'est Beat It. Beat It. Ouais, voilà, Beat It, mais c'est une version un peu espèce. On va s'écouter ça, et puis après, ce sera la balade crapuleuse. We'll be right back. Voilà, je voulais me faire un petit plaisir, un beat it quand même, hein, mais c'est avec Finsterforst. L'album s'appelle YOLO. La pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer, comme d'habitude. Mais c'est bien, ça change. Ah, moi, j'ai bien aimé. Ouais, ouais. Bon, je veux pas te cacher, je préférais l'original quand même. Hein. Oui, mais bon. Mais ça change. Ça change. Ça change. Et c'est une nouveauté, hein, je dis bien. Hein. Alors, il est l'heure, même dépassé de 5 minutes, hein, pratiquement, c'est l'heure de la balade. Et l'heure, c'est ce que je te dis, ça va seigneur. Te changer. L'heure, monseigneur, dommage. Dommage qu'on n'a pas le sac à côté de nous. Ouais. Ou même une poignée, ce serait déjà pas mal. On a été le voir en concert 2 fois. Une fois au Forum Vauréal, une fois à De Kruin. Donc c'est Udo. C'est Udo. Et vous voulez pas être Garage Days. Non. C'est Udo. C'est Udo. Enfin, je veux dire plutôt Accept. Avec D'accord. Udo, on chante. Et c'est la fameuse chanson Balls to the Walls. Ah ouais. Eh oui, pourtant c'est une balade. Non, ouais. Non, c'est pas une balade. Mais là, c'est une balade. C'est ça qui m'a un peu attiré. C'est un peu comment il a pu transformer cette chanson, qui est une hymne d'Accept, aussi bien Accept le chante encore sans Udo. Mm-hmm. Et Udo le chante aussi fatalement avec son groupe Udo. Bien sûr. Et là, je me dis, bah, ça, on va un peu changer. On va prendre ça, justement, comme balade. Et on se retrouve tout de suite après. Balls to the wall. Voilà, c'était la balade de ce lundi, hein. Balls to the Wall, Accept, version spéciale quand même. Ouais, bah écoute, j'aurais pas reconnu, hein, même la chanson. Hein. Non ? Non, pas du tout. Voilà, donc ça fait plaisir quand même de passer des choses qui sont un peu moins dans les standards, c'est bien. Alors, on redémarre avec Kim Marcello, avec le single pour le moment, l'album n'est pas encore sorti. On va s'écouter Black Hole Star et on se retrouve. Black Hole Star. Comme je te disais tout à l'heure, hein, Sylvain, c'est vraiment plus ou moins la cam Rive d'Enfer, ouais. À ça. Hein. Ouais. C'est Kim Marcello avec Black Hole Star. On attend l'album. Là, c'est le single qui est arrivé. J'espère qu'il arrivera assez rapidement et qu'il sera dans le même acabit. Voilà, c'est bien tout sûr. Ce qu'on peut espérer. Le prochain, ben, tu te souviens de Queensryche, le groupe Queensryche, mais avec l'ancien chanteur Govstedt, qui nous a quitté, mais qui a quitté le groupe. Oui. Bah, lui, il a formé son groupe, hein, Govstedt, avec Operation Mindcrime. Et là aussi, on vient de recevoir un nouveau single. Mm-hmm. On va s'écouter le titre Earthmears Campaign. Là, il plonge un peu plus dans ce qui est un peu atmosphère progressif aussi. C'est une personne que j'adore personnellement. Il a été à l'époque considéré comme un des meilleurs vocalistes avec Bruce Dickinson et Rob Halford de Judas Priest. Mm-hmm. Mais l'âge aussi faisant, il n'est plus tellement dans les clous, un peu comme Bruce Dickinson parce qu'on vieillit. Mais ça a été une grande, grande personne vocalement. Et là, on va s'écouter Operation Mindcrime, donc son nouveau groupe avec Earthmears Campaign. Et on se retrouve tout de suite après. Enfin, Bruce Dickinson rapporte toujours énormément de monde. Maiden, c'est une valeur sûre. Hein. Judas Priest aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Même s'il y a eu un problème à la gorge et ainsi de suite, c'est un groupe, c'est une référence à ne plus présenter. Tout à fait. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui écoutent du métal sur tout style différent, dénigrer des groupes comme ça qui sont toujours présents. Bon, bien sûr. C'est vrai qu'ils se sont enrichis à mort. Bien sûr, ils n'ont plus besoin. Si mais on s'ils peut ont dire besoin, ça comme ça. Si... Mais c'est peut-être aussi pour leurs fans. Voilà, s'ils ont besoin de faire de la zik et de faire plaisir à leurs fans, ben chapeau, ouais. Quoi. Voilà. Mais des fois, ils demandent pas toujours des sommes énormes. Non, ça dépend. Voilà, quand on va voir un festival, où je prends l'exemple du Download. Ben nous, on n'a pas fait les 3 jours, mais le petit jeune qui sait mettre une 100 ou quoi pour aller voir un bon festival, ben ils avaient Maiden. Maiden, c'est quand même un show. C'est un show à voir. Bien sûr. Et visuellement et tout. C'est des valeurs sûres. Moi, je peux pas comprendre. C'est vrai que la musique, c'est toujours plus ou moins le même style. On sait bien qu'on est parti. Ah oui, mais après, c'est dans beaucoup de cas. Mais après, à ce moment-là, celui qui va voir un festival de black, il va tomber que sur du black. C'est toujours dans le même style. Dans le même style. Voilà. AC/DC aussi, c'est toujours dans le même style. Oui. On n'a pas fini. Hein. Voilà. Mais c'est des valeurs sûres et ils sont toujours là. Et je me pose la question, quand tous ces dinosaures-là seront partis... Bon, espérons qu'il y aura des relève, personnes. La relève, ouais. Voilà. Mais bon... On ne sait pas, on verra bien. Parce qu'il y en a des bons quand même. Ah oui, il y a des bons. Ah maintenant, est-ce que ces bons-là attireront autant de monde? C'est ça que je me pose comme question. Quand je pense à l'époque, dans les années... fin des années 80. 90, 90, ouais. Quand on avait des Scorpions qui faisaient un festival avec Bon Jovi, Cinderella, Maiden, tout ça, c'était devant des milliers et des milliers de personnes. Moi, je me souviens, ma sœur, elle avait été voir David Lee Roth avec Steve Vai à cette époque-là. Écoute, c'était noir de monde. Ben, je me doute. Hein. Noir. Ouais. Et je suis persuadé que il se reforme, il y aura du noir de monde. Mais elle a été voir aussi Ozzy. Ah, c'était idem. Ouais. Noir de monde. Est-ce que les jeunes, ils attireront leur foule, mais est-ce qu'ils attireront autant de monde? Je sais pas. Voilà. Enfin, je l'espère. Allez, Operation Mindcrime. Et voilà, c'est parti. Avec Earthmears Campaign. Moi j'aime bien cette atmosphère, tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs. D'accord. We'll whoever is trying to bring you down is already below you. We got a chance now, we should take it. With the right chance, we could make it. If we choose to play that game. Ah mais quel plaisir pour les oreilles. Qu'est-ce que t'en penses justement de... Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Ah, c'est bien, hein, c'est... Oui, musicalement. Mm-hmm. Bon, alors moi tu sais que j'écoute beaucoup la guitare, mm-hmm, et la voix, donc au niveau voix, nickel, rien à redire. Ouais. Et au niveau guitare, bah, ça emballe. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, on a à un moment donné entendu du saxo. Mm-hmm. Et c'est Gofstedt aussi qui joue du saxo. Et à l'époque, quand il était au sein de Queensryche encore, sur l'album Permission Land, il avait fait beaucoup du saxo sur le morceau. Et il est parti en solo. C'est assez marrant de voir, mm-hmm, un solo de saxo en concert de métal. Et ça rendait le mec qui joue. Il joue. Il joue, voilà. Bien sûr. Donc on va attendre aussi cet album parce que ça c'était le single, l'album n'est pas encore dans les bacs. Et là on va s'écouter, là on va lui faire un petit coucou aussi à Elo qui était en studio il y a quelques temps. Ah oui. Elo de Ellie. On a passé un bon moment aussi avec elle. Ouais. Et elle nous avait présenté un groupe. Ouais. C'était sympathique. C'était sympa. Ils ont même fait des chansons acoustiques. D'ailleurs, tu as le CD dans ton sac là. Tout à fait. Poète. Non, je sais plus sur. On va regarder. Oui, on va vous dire ça. Parce que on en a tout tellement rangé. Ouais, on en a tellement vu. On vous dira ça après. C'est Ellie Productions et on lui fait un petit coucou parce qu'elle se démène à vous faire découvrir des groupes. Et c'est pas mal du tout. C'est Snape Broder, c'est un groupe de Metz ou Nancy, si mes souvenirs sont bons. On les aura bientôt en phoneur, en, mm-hmm, studio. Enfin, donc phoneur, hein. Et on va s'écouter Regret et on se retrouve après. I took to you, my love. I'm sure you'll understand. Sorry, I speak once more. My love in advance. Your cell doesn't move, and I hear the silence. I cannot trade my life for your coma. Et ben voilà, c'est super hein, quand même. J'ai toujours un problème de micro, moi, ouais. Moi, dis-le, je me le prends dans l'œil. Bah, vaut mieux le micro qu'autre chose. Oh. C'était Regret avec Snap, le groupe c'est Snap Brother. Ouais, c'était pas mal aussi, ça. C'est vrai que c'est notre cam aujourd'hui. Ouais. Et l'album s'appelle Alternative Current Box. Voilà, et franchement, on les aura bientôt en phoneur. On poursuit cette programmation musicale avec Woven War, avec Honor Is Dead. Ça, c'est autre chose. Mais bon, on va quand même en passer un ou deux. Hein, bien sûr. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. Life and death are shaking hands with no regard for my futile plans. And I've licked the wounds and tasted red, and nothing ends me now that honor's dead. Yeah. shaking hands with no regard for my futile plans. And I'm licking the wounds and tasted red, and nothing mends me now that honor's dead. Noir, Honor is dead. Bien, hein? Bah écoute, c'est pas mal du tout. Et oui, mais je l'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment une, c'est notre cam. Une bonne cam. Ouais. Ouais. Alors, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous. Émission Rive d'Enfer. Ouais. Avec vous, Sylval. Eh oui. Eh oui. Et le Slasher, il nous écoute, mais il n'est pas là aujourd'hui, il sera là la semaine prochaine. Ouais. On lui fait des gros bisous. Bah oui, hein. En plus, il récupère de son Ramfest. Hello, my friend. Voilà, et ça lui fera plaisir. Stephen Berggren, c'est ce qu'on va s'écouter. L'album s'appelle Stranger in the Strange Land. Et on va s'écouter Coming Home. C'est pas une reprise du tout de Scorpion, de l'extrait de l'album Love is First In. C'est tout simplement Coming Home de Stephen Berggren. Bon, tu nous invites à boire un verre, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais alors ce serait un autre nom. Stephen Berggren. Ah oui, non, ah, Coming Home. Ah oui, oui, ouais. Il peut venir, oui, il peut, oui. Bon. Attends, tu penses à la Grimbergen. Voilà, voilà, voilà, ouais, voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Allez, c'est parti. Voilà. Bon. Too long. Now I'm finding Alors voilà, hein, Stéphane, si on... Si on peut, on vient boire un coup. Je voilà. Sais allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah ouais. Stéphane Berggren. Ah ouais, c'est vraiment top, ça. Ah, c'est bien, hein, ça, ah c'est ouais. Très rock'n'roll. Hein, ouais. Alors, c'était le titre Coming Home. Le prochain, ben, c'est Night Legion. C'est sorti chez Only Metal Radio. On va s'écouter le titre éponyme, Night Legion. Et après, ben, on va continuer. Et je oui. Crois que ce sera vraiment de la bonne cam pour nous. Voilà, c'était Night Legion. C'est bien, hein. C'est bien. C'est des nanas, mais ouais, ça change, ça change. Alors le prochain, bah, l'album s'appelle Here Come to the Flood. C'est Julie Wright. Et le titre c'est Inferno. Là, on est parti dans la Légion et tout. Je sais pas comment on va terminer la soirée, mais on va bien la terminer avec ce titre que franchement, j'adore la pochette, j'adore la chanson. C'est bien, c'est bien foutu. Bon, on va voir ça. Ah bah ouais. C'est toujours une découverte. Voilà. Alors, cher Sylval. Bah écoute, c'est pas mal du tout, ça aussi. Sylval, elle est sur le cul aujourd'hui. Ouais. Bah oui, t'es assise. C'est Julie Reitz avec Inferno. Donc, j'avais dit, hein, bonne programmation. C'est pas mal du tout. Ouais. Et le prochain, on connaît le groupe aussi, c'est le chanteur de Striper. Moi, je les appelais les abeilles, ils étaient habillés avec les pantalons noirs et jaunes, avec leur guitare même noire et jaune. Oui, je m'en souviens. C'était du white metal. Ouais. Et là, Michael Sweet a sorti un album solo. L'album s'appelle One Sided War. Et on va s'écouter le titre Radio. Je pensais qu'on les avait vus en concert, c'est ça, je cherchais, j'y en ai non. pas vu. Malheureusement. Malheureusement. C'est génial aussi, ça. Par contre, encore une fois, un groupe qui tourne aux États-Unis, mais pas chez nous. Ouais. Donc les amis. Et malheureusement aussi, pour en revenir au tour des États-Unis, les premières parties, elles sont pas toujours les mêmes non plus en Europe. Ouais, non. C'est con ça. C'est con parce que des fois il y a des surprises. Hein. Ah ouais. Il y a des méchantes surprises. Super bonne première partie de Sabaton là aux États-Unis. Allez, vas-y. Un bon pote à toi. Ah ouais, un grand copain. On communique et tout. On communique. Ouais. Allez, vas-y, dis. Alice Inoue. Ah. Ben oui, mais bon, ils vont peut-être revenir. Hein, Bah ouais, j'aimerais bien qu'ils fassent sa première partie aussi en Europe, mais bon. À mon avis, peut-être, mais bon, c'est sûr et certain que ça ne sera pas ici pour Sabaton. Parce qu'ici, pour Sabaton, on aura Accept. Ah ouais. Donc c'est sûr et certain, à moins qu'il y aurait peut-être un troisième groupe. Ça peut arriver, des fois trois groupes, mais j'en doute fort quand même. Hein. J'en doute fort. Quoique, on va quand même croiser les doigts. Ouais. Allez, Michael Sweet, on enlève son sweat parce qu'il fait très chaud ici en studio. Oh, oui. Ça, c'est sûr. Et on va s'écouter le titre Radio. C'est parti. I'm going. Voilà, donc c'est Michael Sweet. Donc Stryper, ça change un petit peu de Stryper quand même. Hein. Mais bon, l'album, je vous le conseille quand même. L'album s'appelle One Side War et c'est le titre Radio. En plus, et c'est bien, on est en radio. Ouais. Alors, on va s'écouter un groupe allemand. Pour ne pas changer, les Running Wild, si vous connaissez, et ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Rapide Forêt. D'accord. On va s'écouter Rapide Forêt. Voilà, on va pas se fouler aujourd'hui. Hein. Mais dans la programmation, c'est plus, on va dire, de la cam des vieux papis comme ouais, voilà. Voilà, allez, c'est parti. We'll be right back. Voilà, c'est le nouveau Running Wild Rapid Forest. Forest, c'est autre chose. Forest nationale. Petite forest aussi. Voilà. Alors, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver les Midnight Monkey Show. Radio Show, pardon. Voilà, ils ont changé. Hein, rien que pour nous ennuyer. J'aime bien, c'est que tu me dis. C'est tout simple. Et là, tu bafoues. Mais t'as vu, t'as remarqué, on s'est habitué à trouver leur nom. Maintenant, ouais, c'est ouais, fini. Ouais, voilà. Donc, on va les retrouver ici. Et c'est quoi la prog aujourd'hui, les amis? Eh bien, alors aujourd'hui, à la prog, il y aura un tour des concerts de la région avec notre petite sélection de ce qui va se passer dans le coin. Des coups de cœur et puis aussi eh bien, le melting pot classique à la Midnight Monkeys. Waouh, un programme quoi. Voilà, ben nous, Sylvain, on se retrouve toi dans deux semaines. Oui. Pour des raisons perso, voilà. Voilà, c'est comme ça. Hein, on se retrouvera avec le slasher qui sera là. C'est comme ça, c'est pas possible. On se retrouve avec le slasher qui sera là. Il nous fera encore découvrir des choses, à mon avis. Et après, on recommencera tout doucement, nous aussi, à être sur les routes pour les concerts. Parce que le mois d'octobre, il est chargé. Il va être chargé comme des oufs. Il y aura des places à gagner dans tous les tout ça, à partir dans tous les styles, dans tous les domaines. Et on va se quitter nous avec. Alors là, attention. Ich bin ein de Witch. Ça va, j'y suis arrivé. Et le titre c'est Sylvan. Sylvan. Voilà, on aura le temps et d'ici après, vous allez retrouver donc l'équipe. Qui sait plus, voilà. Midnight Monkey. Très simple. Midnight Monkey. Enfin, très simple, Sylvan. Très simple. Radio Show, c'est ça? Exactement. Voilà. Allez, les amis, ciao et restez bien branchés sur RQC 95 FM. Bisous. Ciao, Sylvan. Et en forme dans deux semaines? Oui, tout à fait. Car dans deux semaines et deux autres semaines. Ouais. Bah, on dit toujours demain est un autre jour, mais ouais. Deux semaines, ça va être long quand même. Deux semaines sans Sylvan. Ouais, ça va être très long. Voilà. Enfin, je vais essayer de faire une programmation que tu vas pas trop regretter. Bon, d'accord. Allez, ciao.